Planqué dans les buissons, je compte jusqu'à 2, 3, c'est pour les faibles, 2 c'est déjà trop long. Je le vois pas, me vois pas, c'est russe, pas Pokémon ici, on tire pas en caresse. Couché dans l'herbe, j'ai de la mousse dans le slip, mais mon AK est prête et j'ai faim de loot. Un bruit à gauche, c'est peut-être une biche, ou un tryhard qui respire trop fort. Un clic de pas, je bouge pas d'un cil, le moindre pète devant et je te headshot facile. Cache, cache à la K, le jeu des grands, où la feuille devient mûre et le buisson tombe clan. Tu phares, moi je te regarde, j'attends l'instant. Une balle, un cri et tu dors dans l'écran. Cache, cache à la cave, planqué vicieux. Ton pote me ping, c'est ton dernier vœu. Rust, c'est pas fair play, c'est pas gentil. C'est rider skill, planqué, mortel et poli. Comme un cafard dans la forêt, avec mes potes dans le vocal qui me hurlent. Mais non, trop tôt. L'art du buisson c'est une science et je suis docteur. Un noob avec sa pioche me passe sous le nez. Je pourrais l'épargner, mais bon, faut bien s'amuser. Une rafale, un sac et un petit thé. Puis je retourne dans l'herbe, mon havre sacré. Cache, cache à la cage, chacun sa foi. Certains prient, d'autres camp, moi je suis entre les deux, tu vois. Le buisson tremble, non c'est moi qui ris. T'as loté 3 heures pour me nourrir. Cache, cache à la cage, rider ski style. Un prédateur en slip, sniper à l'ancienne école. Sur risque de je suis l'ombre, je suis la ronce. Et ta dernière vision, mon canon qui fonce. Chaque feuille est suspecte, chaque pixel piégé. Tu penses que t'as gagné, j'étais derrière toi. Le kill feed le dit alors ferme ta voix. Cache, cache à la car, soirée détente. T'as looté un M25, un 4-9, dommage maintenant je l'ai. Raider skill stream, le bus en chef, c'est pas de la magie, c'est juste mon taf. J'suis partout, j'suis nulle part, et j'vois ton sac. Fin sèche.